Aujourd'hui encore, le coma reste un mystère, enfoui au plus profond du cerveau de chacun. Tout aussi mystérieux, le réveil. La guérison est toujours imprévisible. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude. Bah, la plupart du temps, on sort d'une cité, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous met en lycée professionnel. Ça y est, il passe un CAP, BEP, on se débarrasse. C'est fini, ça. Maintenant, on va en fac. Maintenant, on fait les mêmes études que ceux qui vivent dans le 16e, dans le 15e ou n'importe où. On fait les mêmes études. On a les mêmes capacités d'intelligence. Alors, ils sont nés 9 mois comme nous et on profite de la même chose. C'est fini. Notre rap, c'est pour révolutionner ça. Je suis né en 73, pas en 16, mais dans le 18. La France de mon enfance, c'est celle des sourires hypocrites. Boîtes de nuit qui disent non et trouvent toujours une raison en toute saison de te renvoyer direct à la maison. La France de mon enfance, elle ressemble pas à celle d'Enrico. Ça serait plutôt survêtement dégradé. Croco sur le tricot, raciste FN qui monte pendant que jeunes et police s'affrontent. Les médias font les comptes, c'est une honte, ils sont tous complices. Le pouvoir de l'argent, dans la rue, il y pousse ton fils. On nous pousse à l'extrême et leurs prisons, ils les remplissent. La France de mon enfance, c'est toujours derrière moi le vigile. Une vie difficile, devant moi le flic en civil et ma ville, elle n'est pas différente de la tienne. Paris, paysage hostile, pour autant que je m'en souvienne. La France, de mon enfance, de mon adolescence, a laissé des traces qui ne s'effacent pas si facilement. Et si seulement, de son côté, chacun fournit l'effort, ça ira mieux demain, ça ira mieux dehors. Et ici, y'a du porc sur la table, à la cantine, dans mon cartable, des livres d'histoire et sur nous y'a pas 20 lignes. Je m'indigne quand la télé propage un message faussé. Tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous montrent depuis des années. Je suis né en France, mais ça fait pas de moi un français. Je suis terrien et j'ai rien, cela me vaut-il un procès? Je procède par étapes, donc 1, je pousse pas à la haine. 2, je suis pas parano, vu qu'en gros c'est partout la même. 3, la France de mon enfance, à croire que je la dérange. Je parle pas de s'intégrer, moi je te parle d'amour et d'échange, de mélange de cultures pour repartir sur de nouvelles bases. Si chacun fournit les forts, qu'on laisse parler ceux qu'on écrase. Maintenant on rentre en an 2000, on va tout mettre à plat et démarrer sur de bonnes bases. Voilà. Le respect ça se gagne et nous on aime qu'on s'est réciproque. Pour pas voir ce qui se passe, faut être au minimum un cyclope myope. Pour faire preuve de mauvaise foi, on monte les caisses qui crament. Et la réussite, on en fait quoi? La joie, elle a disparu de mon visage. Le jour où j'ai su pourquoi ma mère a quitté son village. La France de mon enfance ne m'a pas tout dit. Là-bas j'ai une grande maison et ici je vis dans un taudis. Je maudis celui qui dit et celui qui pense que je suis la cause du problème. Je ne suis que la conséquence des erreurs passées. J'ai rien choisi, je suis né en France. De mon enfance, me regarde quand je m'enfonce. Quand je m'enfonce. Derrière la fête et les sourires se cachent des gens sans travail. Certains ne sortent jamais du grand sommeil, comme on l'appelle, d'autres un jour se réveillent, alors pour eux commence une nouvelle vie.